MEV dans vos oreilles. Semaine 6. Je me suis rendu compte dans le podcast de la semaine 4 que je disais que les Bulgares avaient transcrit littéralement les noms et les prénoms d'auteurs ou autres, même, en cyrillique. Mais en fait, nous, on fait exactement la même chose du cyrillique en alphabet latin. Donc ma réflexion n'était pas super pertinente. Nous sommes dimanche 21. T'as failli te casser la gueule, toi. Dimanche 21 juillet. On est à Ephesus. Enfin, Éphèse. Éphèse. Et il y a du monde. Je suis grognon. Il fait très très chaud, il y a très peu d'ombre. Je pense qu'il doit faire 35 degrés à l'ombre en plus. On doit être pas loin. De prévision. Donc en plein cagnard. Avec les pierres qui réfléchissent bien la lumière et le soleil et la chaleur et tout ça. On adore. Donc on est arrivé hier samedi 20 juillet à Selçuk depuis Izmir. On a pris le train. On est arrivé avec une minute d'avance. Dans ta face la SNCF. Et on est arrivé dans notre hôtel, une pension qui est beaucoup trop mignonne. C'est super mignon. Il y a la terrasse avec une petite fontaine. Plein centre de la ville, donc c'était chouette. On a mangé dans un super bon restaurant. En fait, on a demandé conseil à notre hôte pour dîner. Et il nous a dit, en fait, partout c'est bon. Voilà, on a testé un restaurant et c'était magnifiquement bon. On a pris notre kiff quand même. Hein. On dit aux gens ou pas qu'on a fait une entorse de nos valeurs. Ah oui, pour la première fois depuis pas longtemps, on a mangé un plat à base de viande. Mais c'était tellement bon. Ouais, ça en valait la peine, c'était vraiment incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la viande en me disant ok, là ça vaut le coup d'avoir pris. Voilà, mais bon, on va pas en manger tous les jours, je te le dis. Surtout qu'en Turquie, tu peux bouffer végétarien hyper facilement. Est-ce qu'on va voir si on trouve de l'eau pétillante en verre ? Allons-y. Vous l'entendez, il y a plein de gens partout. Nous sommes au milieu de plein de cailloux. Oh, je crois qu'il y a Perrier, San Pellegrino et la marque locale dans du verre. Oh mon dieu, ça coûte une blinde, mais c'est vrai. Donc ce matin, on pensait aller à Éphèse en allant seulement au temple d'Aphrodite. D'Artémis. Artémis, temple d'Artémis. Et il se trouve que c'était... Des cailloux. Oui, c'était un peu vide. C'était joli, parce qu'il y avait la ville de Selçuk derrière, avec la mosquée et l'église Saint-Jean. La basilique Saint-Jean. Basilique Saint-Jean. Et... Chat. Un chat. Donc c'était juste à côté de chez nous, finalement. Et on pensait que, parce que quand on a regardé sur la carte, chat. Quand on a regardé, je crois que je gagnais à ce jeu. Donc, quand on a regardé sur la carte, il disait que Éphèse était vraiment dans la ville de Selçuk, quasiment. Donc on s'est dit, bon, bah, on y va à 8h30, ça devait ouvrir à 8h. Et à 8h30, on a petit déjeuner pour ensuite partir. Donc on est allé à ce temple, on s'est dit, c'est bizarre, c'est petit. Sauf oui. Qu'en fait, Éphèse était à 4 km. Donc on a marché 4 km. Ça va parce qu'il y avait de l'ombre. Et arriver devant l'entrée, c'était payant. C'est pas donné, hein, quand même. Ça fait 10 euros à peu près, personne. On a un peu hésité parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est-à-dire que si c'est pour voir juste des vieilles pierres posées, est-ce que ça vaut le coup de payer 10 balles ? Surtout avec le monde, la chaleur, enfin, on n'était pas dans les conditions optimales pour apprécier le lieu, clairement. Oui, parce qu'on s'est dit, comme c'était collé à la ville de Selçuk, on s'est dit qu'on irait éventuellement le soir aussi, quand il y a moins de monde. Avec le coucher du soleil, les jolies lumières, tout ça, tout ça. Mais bon, là, du coup, on était devant et on a finalement opté pour payer, rentrer pour voir, vu qu'on y était, quoi. Parce qu'on n'allait pas se retaper ce soir 4 km, enfin 8 km. Ah, mais moi, j'y serais pas allé du tout. Alors, il y a des cigales, il y a du soleil, il n'y a pas un nuage. Au début, je me disais, bon, c'est vrai que ça ressemble. Enfin, c'est que des caillasses qui ont été déterrées, parce que c'est une ville qui a été complètement détruite. Notamment, il y a eu, je crois, pas mal de tremblements de terre. Et des incendies aussi. Et en plus, c'est dans une région qui a subi quand même pas mal de guerres et de ça. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça avait l'air d'être juste des cailloux posés un petit peu n'importe comment. Mais en fait, je dois reconnaître que c'est quand même immense et assez impressionnant. Donc, il y a quand même quelque chose de très beau à voir, c'est la bibliothèque de Selçuk, qui a été en partie un peu restaurée, donc c'est ça qui est joli. Le théâtre, qui est très impressionnant, mais... En restauration. Et puis même s'il n'est pas en restauration, c'est quand même, il y a des barrières en barbelé pour délimiter les niveaux, enfin je sais pas trop quoi. Ça perd un peu de son charme quand même, non ? Ah oui, et puis il y a une immense grue au milieu, quelque chose qui est un peu décevant, c'est qu'il y a une. Ça s'appelle les maisons en terrasse. Et il faut payer encore pour y accéder. Encore 4 euros, hein. 5 euros même. Après, voilà, si les 10 balles que je mets dedans, ça sert à restaurer, à comprendre un peu mieux, pourquoi pas. Mais ça, je trouve ça quand même assez cher. Ce qu'on se disait, c'est que c'est dommage, c'est qu'on s'en fiche un peu de comment ça a été découvert, mais plutôt on aurait voulu voir de la reconstruction en 3D, par exemple, sur les panneaux, pour avoir une idée de à quoi ça ressemblait, parce que ça, ils le savent. Alors pour le coup, on l'a pas acheté, parce que ça coûte cher et qu'on n'en a pas besoin, et que c'est le genre de bouquin que t'achètes et que tu l'as dans ta librairie, enfin dans ta bibliothèque, mais quand on est arrivé au temple d'Artémis, il y avait un mec qui vendait des guides, avec notamment une page, enfin en photo, le monument actuel, et un espèce de calque par-dessus, avec ce que c'était avant. C'était intéressant. Est-ce qu'on peut parler des gens qui jettent leur chewing-gum par terre et que du coup, après, ça colle sur ta chaussure? Quand il fait 45 degrés voire 50 degrés en plein soleil, que tu te prends ça dans le pied, ça, c'est très énervant. C'est la petite goutte d'eau pour faire déborder mon vase de grognitude. Voilà, on a fini la visite, je pense qu'on a bien pris le soleil. Mais alors, petite astuce écolo, si vous voulez pas mettre trop de crème solaire, c'est d'avoir une chemise anti-UV. Ou une chemise tout court, remarque. Mais... Alors non, parce que c'est pas pareil. Alors la chemise anti-UV est bien sûr faite dans une matière complètement dégueulasse, polyamide de je sais pas quoi machin, c'est le seul moyen d'avoir une barrière de 100% des UV, A et B. Donc ça peut marcher avec un autre, enfin on peut mettre un autre vêtement long, mais le problème c'est que ça laisse, alors je sais plus, il faut que je vérifie, parce que je sais pas si ça laisse passer ou si ça empêche de rentrer 30-40% des UVA et UVB. Bon, dans tous les cas, il y en a quand même qui passent. Donc si vous avez la peau très très très très claire comme moi, un vêtement en coton ou en lin, ou, c'est pas suffisant. Donc la chemise anti-UV, c'est quand même pas mal. Par-dessus, j'ai mon fichu, ma casquette, on est bien. Le paysage, en général, les petites collines et la végétation nous font penser à l'Andalousie. Einstein, pour ceux qui savent. Ce moment finira sûrement dans mon flop de la semaine. On vient de sortir des fesses. Ah, sortir des fesses. Et depuis qu'on est parti, de façon même à l'aller, il y a des déchets partout. On avait prévu de prendre des sacs poubelles ou du moins des sacs en plastique. On nous avait filé, qu'on était obligé de prendre genre dans la mosquée pour nos chaussures, ce genre de choses. Ça nous servait à ramasser les déchets. Et puis on a acheté des gants à Istanbul. Donc là, en 5 mètres, on a rempli 2 sacs en plastique. Bon, comme on n'a pas plus pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais je peux vous assurer, là, on fait un pas, il y a 4 bouteilles en plastoc. C'est dégueulasse. Quand on fait une rando, qu'on voit des déchets, on oublie d'avoir un sac et des gants avec nous pour pouvoir les ramasser. Je vous encourage à le faire aussi. Quand vous partez vous balader, d'avoir un petit sac, on sait que là, personne ne le fera, en vrai. Donc si au moins on peut déjà enlever ça, c'est toujours mieux que ça parte dans la nature et que ça pourrisse tous nos petits êtres vivants, que ce soit végétal ou animal. C'est un peu malheureux. Toutes les bouteilles en plastoc sur le côté, tu sens que c'est les mecs qui les ont jetées de leur bagnole, quoi. C'est ouf. Ça fout les boules un peu, quand même. Voilà, donc là... Les touristes qui sont contents de se faire balader à cheval. Cheval qui trime. J'ai un peu de mal avec ça. Utilisation des animaux pour le plaisir. Mais bon. C'est pas le sujet. Petit chemin. J'espère qu'il y aura un petit peu d'ombre. Je me sens moins mal qu'au début. À titre personnel, je me suis habitué à la chaleur. À là-bas. Je sais pas si on entendra bien, mais il y a Whitney Houston, 3 soirs de suite au même restaurant. Oui, on est monomaniaque. Parce que je pense qu'on est dans le meilleur restaurant de Selçuk. On peut pas vraiment savoir, du coup. Si on en a testé un ce midi qu'on n'a pas adoré, du coup on s'est dit, restons dans la même chose, on sait, on connaît, on sait que c'est bon. Et ils sont très sympathiques, comparés à ce midi. Il y a des chatons partout. Je pense que maintenant je connais par cœur I Will Always Love You. Je crois que j'ai une bestiole sur moi, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Il y a des cigognes ici, plein de cigognes. Ah, ça me chatouille ce petit truc. Vas-y, commente les cigognes. Oui, on se disait qu'elles allaient sûrement là avant d'arriver en Alsace, mais sauf qu'on en a vu aussi en Bulgarie, il n'y a pas très longtemps, donc ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas. Il y a plein de yeux bleus qui portent bonheur. Ils portent bonheur, mais en fait, je crois que ça s'appelle les Evil Eyes. Donc c'est l'œil du diable. Ah. Donc ça porte bonheur. Après ce que j'ai compris, on l'a pas vérifié, donc on espère que oui, qu'ils nous ont pas jeté des sorts quand on l'a acheté. Mais c'est pas un nom qui donne très envie. Eh bien aujourd'hui, on est le premier. Bah quel jour nous sommes, bien sûr, nous allons dire. 22, lundi 22 juillet 2019. Et notre activité principale de la journée a été de rester allongé dans notre lit à regarder Friends. Soyons honnêtes. Non, j'assume pas. Non, mais la chaleur nous a cassé, mais de fou. Le soleil brûlait littéralement notre peau, quoi. En fait, tu sors dehors, tu pouvais pas être resté au soleil. Je sors pas dedans. Ah, je me suis fait... Pas très intéressant à raconter. On a juste organisé notre semaine. On va aller à Eguirdir. On sera au bord d'un lac. Et ensuite, on part pour Ankara. On fait un petit détour par Konya. On devrait retrouver Claire qui va nous accompagner à Güneşköy. Güneşköy, donc un petit éco-village, va pouvoir faire un petit documentaire là-dessus. Ça sera chouette, je pense. Ensuite, on va sûrement faire la Cappadoce à ce moment-là. On a chaud, hein. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on vous l'avait pas dit, quand même, qu'on avait chaud. Parce qu'on s'était un petit peu habitué. Mais là, vraiment, c'est waouh en termes de chaleur. Tu peux pas sortir vraiment. Soit tu sors très tôt le matin et après t'attends vers 17-18h pour ressortir. Quoi, parce que c'est... Et encore, on est sorti vers quelle heure, tout à l'heure? On est sorti à 16h30, re-rentré à genre 17h30, mais vraiment le soleil te brûlait la peau. Quoi. C'est même pas la chaleur, c'est l'intensité du soleil sur la face, c'est impossible. Et d'ailleurs, on est allé à la poste parce qu'on a encore fait du tri dans notre sac. Donc on a renvoyé un petit colis à Coco. Bah, encore 2 kilos hein, quasiment, donc au final on doit être à plus de 4 kilos renvoyés depuis le début. Et ouais. Et puis peut-être ça va continuer. Peut-être qu'après on sera tout nu. On va faire l'émission nu et culotté, mais à l'envers. Du coup. On va commencer par être habillé et on va finir tout nu. Non, mais ça dit, c'est un bon moyen de se rendre compte aussi de l'essentiel de ce dont tu as besoin en voyage. Et souvent, bon, bah, t'as beaucoup de choses où tu te dis, bon, bah, au cas où, c'est terrible. Parce qu'en fait, ça t'alourdit et tu regrettes après. Et le au cas où, si t'as besoin d'un truc, vraiment, si t'en as vraiment besoin, tu achèteras sur le moment. Voilà. C'était le petit instant minimaliste de MEV dans vos oreilles. C'est un peu le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Un chat, tiens, pour changer. Mais il y en a partout, encore. C'est terrible. Yeah. Ah, yes. Very small. This couple, we live in the same place. Oh. In Basel. Like, I live in Switzerland. Ah, okay. Oh. Yes. I go Friday to go back. Okay. Since 2 years I live in there. Because I have kids and my wife from there. Yes. And they are living there too, and very close. Oh, yeah. I know that. Small world. Okay. Very small. I say, oh my God. So, who owns the place? It's my father. Oh. This is my father, my mother. Okay, so family place. Family. Le monsieur du magasin du souvenir nous a raconté que les Français ne venaient plus beaucoup en Turquie, comparé à avant, depuis environ 3 ans, sûrement après la tentative de coup d'État. Et donc c'est bien dommage, il faudrait que les Français vous reveniez en Turquie, faire du tourisme en Turquie. Dernier petit déjeuner à la Tuncay Pension. Mardi 23 juillet 2019. On va bientôt prendre le train pour Denizli. Et ensuite prendre un bus direction Eguirdir. En Turquie, il y a des passages piétons, mais ça sert à rien parce que personne ne te laisse passer. Dans le train direction Denizli. Beau paysage et en partant on a une vue surplombant Selçuk et son château et ses ruines. On attend le bus pour Eguirdir. On aurait préféré pouvoir prendre un train mais... Visiblement, c'était compliqué. Sur le trajet pour venir jusqu'à Denizli, on a vu des très belles montagnes juste avant d'arriver d'ailleurs à Denizli. Ce qui doit sûrement être des montagnes de Pamukkale. Faire du ski l'hiver apparemment. Et j'étais assez étonné de voir sur tous les toits des maisons les réservoirs d'eau chaude qui sont sur les toits et chauffés avec des panneaux solaires. Tous. Parce qu'il fait chaud. Non. Je crois qu'il y a une mosquée pas très loin. M'a fait peur tout à l'heure. Le 24 juillet 2019, débat entre M et V. Non mais en fait, tout dépend de ce que tu considères être le point de basculement. Enfin, tu vois, est-ce que... Enfin, c'est toujours le même débat. C'est est-ce qu'il faut que ça vienne de l'État ? Est-ce qu'il faut que ça vienne des entreprises, des grandes entreprises ? Est-ce qu'il faut que ça vienne des petites collectivités ? Pas dans le sens étatique, mais des associations, des quartiers, un petit groupe ? Ou est-ce qu'il faut que ce soit au sens individuel ? Parce que du coup, demain, et ce que toi, tu veux faire... C'est plutôt à l'échelle d'un groupe, quoi. C'est-à-dire que c'est ni étatique, ni entreprise, ni individuel. Oui. Et je pense qu'en effet, potentiellement, c'est là que ça peut bouger le plus. Enfin, tu vois, que ça a un impact. Parce que je rejoins quand même globalement plutôt l'idée générale que individuellement, même s'il faut commencer par là, il faudrait que ce soit ça, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que toutes les strates, les quatre strates, fonctionnent pour que ça fonctionne, quoi, tu vois. D'accord. Du coup, l'échelle du groupe, c'est hyper chouette de montrer ça. Mais en fait, les gens qui vont nous regarder... Bah, ils vont être, tu vois, dans leur canapé, ils vont dire « Ah ouais, c'est une super initiative, mais eux-mêmes ne peuvent pas la mettre en pratique, sauf à se regrouper avec des gens, mais ça demande un effort hyper important, tu vois. » Genre, créer un concept, créer une initiative et de rameuter des gens, soit d'aller rejoindre un mouvement existant, mais où tu sais pas trop comment, pourquoi et tout. C'était un peu le sujet du bouquin de « Changer le monde en deux heures », dont j'ai déjà parlé. Bah, lui, il estime que le plus facile, c'est de commencer par des trucs individuels, parce qu'en fait, c'est ce que tu peux plus facilement implémenter dans ton quotidien, quoi. Enfin, que aller rejoindre un groupe de militantisme, tu vois, qui va se balader tout nu ou faire des câlins aux arbres, quoi. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, dans l'imaginaire collectif... Ça demande vachement plus d'investissement, de temps, de disponibilité, alors que lui, il dit... Enfin, lui, c'était plutôt pas sur des sujets environnementaux, mais sur globalement comment changer le monde. Aller donner son sang, ça ne nécessite que toi et toi-même et une heure de ton temps, quoi. Enfin, mais je suis d'accord. Et donc, du coup, j'arrive pas très bien à savoir ce genre de vidéo, film, documentaire, en gros, à cette échelle-là, qui ça touche, tu vois ? Qui ça va faire changer ? Qui va se dire... Ok, je passe à l'action pour faire quelque chose. Si tu prends le film Demain, si tu prends les films de Artus Bertrand, qui ont quand même un impact fort, enfin, ils ont été vus par un bon nombre de Français, qui n'étaient pas tous écolos de base, on est d'accord. Oui, oui, mais ça revient à la question de « Ok, tu l'as vu, c'est bien, tu trouves ça cool, qu'est-ce que tu fais après ?» Mais pour moi, c'est implanter une petite graine quelque part. C'est quelque chose que tu peux partager. C'est-à-dire que tu vois, même nous, on l'a offert, ce film, à des gens qui ne l'avaient pas vu et qui, peut-être, tu vois, fait réfléchir à quelque chose. On l'a offert à ma nièce. Ça aussi nourrit un petit quelque chose d'écologisme. T'instilles quelque chose, après, on donne des clés et c'est à chacun de voir à son niveau individuel ou local avec ses voisins, avec sa commune, sa mairie, de pouvoir faire quelque chose. Ouais, mais ça, je pense que c'est à la fois hyper utopiste, à la fois hyper naïf. Parce que, regarde, nous, on est quand même relativement écolo dans notre comportement comparé à la majorité des gens autour de nous, sur plein de sujets individuels. Ouais, ouais, ouais. On n'a jamais bougé notre cul de devant notre canapé pour aller faire un truc à une échelle plus importante. Et oui, je suis d'accord. Donc, si nous, qui sommes hyper convaincus par le sujet, mais parce que aussi... qui habitons à Paris... avec des ressources incroyables en termes de collectif, quoi. Je veux dire, si on avait voulu rejoindre un jardin partagé, une association militante, etc., on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. Du coup, j'ai des doutes sur le fait que quelqu'un de, tu vois, moins écolo concerné quoi, enfin initialement, puisse se dire oh bah tiens, c'est une super idée, je vais aller rejoindre une association. Alors ok, petite personne, en effet j'ai jamais rejoint d'organisation écolo ou quoi. Mais il n'empêche que, toi comme moi, moi j'ai essayé à mon boulot de convaincre mon patron de prendre du papier recyclé. Oui, mais on en revient à la même chose du coup, c'est que c'est sur des initiatives individuelles que tu as essayé de faire changer les gens autour de toi, pas sur des initiatives collectives. C'est un impact après qui peut rayonner un petit peu. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas parce que tu as vu demain que tu as essayé de mettre en pratique ce que tu as vu dans demain à l'échelle de ton entourage, tu vois. En fait, c'est parce que je t'ai parlé du fait que. Enfin, où on a lu des trucs sur, en effet, l'impact du papier sur l'environnement, mais à une échelle individuelle, qu'on s'est dit, ah bah tiens, on va essayer de le faire rayonner autour de nous, à nos proches. Du papier recyclé, d'offrir des cotons lavables, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Mais absolument pas d'aller dire à nos copains « Ah tiens, et si on louait une petite parcelle de terrain pour aller cultiver des légumes ?» Alors que clairement, on aurait pu le faire. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe pas que par, tu vois, vivre tout nu dans les bois, dans une hutte. Mais en fait, c'est pas ça que tu comprends pas. C'est juste que, je te dis, il y a 4 strates de changement. Oui, mais... Et il y a que à l'échelle individuelle qu'on a essayé d'agir. Bah oui, mais si tout le monde le faisait, c'est déjà... Sauf que toi, ce que tu veux promouvoir dans tes documentaires, c'est l'échelle au-dessus de l'individualité. Bah non, pas que. En pratique, si. Sinon, on va aller voir le clampin du coin qui cultive son jardin, qui met du papier recyclé dans les toilettes. Enfin, tu vois, nous, c'est pas du tout là ce qu'on va chercher comme ce genre d'initiative. Non, on va chercher tout ce qui peut être bon sur notre chemin de notre tour du monde. On a commencé par Annemasse avec Alterosa qui fabrique des produits pour justement promouvoir le zéro déchet. Non, mais le premier sujet, je pense qu'on est bien en termes d'impact potentiel sur les gens qui vont le regarder. Je suis d'accord. Le deuxième, à Ljubljana, c'est une ressourcerie, une recyclerie. Ça, il y en a plein en France. On aurait pu le faire en France. Non, mais ça fonctionne aussi, du coup. Ça peut donner l'idée aux gens de... Tu vois. Voilà. Voilà pourquoi je suis plus sceptique sur le troisième. C'est parce que j'arrive pas trop à savoir... Tu vois, quel impact ça va avoir sur les gens. Tu comprends là où je... Oui, ce qui est différent pour moi, enfin... Je suis d'accord. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça n'a pas juste un impact autour de nous, en France. Mais tu vois, montrer que, par exemple, en Turquie, c'est des initiatives quasiment inexistantes. Il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus. Et potentiellement, pour ceux qui veulent faire quelque chose en Turquie... En fait, je pense que moi, j'ai été sensibilisée à tout ça. Peut-être plus en voyant des choses négatives. Ça a eu un impact plus fort sur moi. Qu'en voyant des choses positives. Et du coup, malgré le fait que tout le monde parle de ce sujet, j'ai l'impression en ce moment, et que énormément d'images un peu choc, enfin choc pas forcément pour choquer d'ailleurs, mais d'images... On est le 24 ou le 23 ? Le 24. Ah oui, bah c'est aujourd'hui. C'était hier le CETA. Parce qu'on est dans un contexte quand même assez particulier où Greta Thunberg a été boudée par des députés à l'Assemblée nationale. Sur fond de vote aussi du CETA, ce traité entre le Canada et l'Europe, où ça va encore bien foutre la merde au niveau environnemental. Donc en fait, si tu veux, c'est... Et alimentaire. Et c'est même pas que sur l'environnement, c'est ça qui est hallucinant. C'est aussi sur l'avenir de notre alimentation, en fait. Ah oui, comme de ça. Comment est-ce qu'on se nourrit. Vous souvenez qu'on a plus ou moins interdit les farines animales et ces animaux bourrés d'antibiotiques, même s'ils sont pas mal bourrés d'antibiotiques en France, mais bourrés de plein de saloperies, mais notamment les farines animales, qui est une aberration quand même. Et ben, vous pourrez en bouffer maintenant, si le CETA est signé. Enfin non, c'est les animaux qui vont en bouffer, que vous allez bouffer. Oui, après vous allez bouffer, oui, vous n'allez pas bouffer des farines animales, mais bon. Fait de poils, de sang et de... Enfin, les boyaux, trucs comme épicères. Ça. Épicères. Tout, en fait, tout. Bon appétit, tout bien ce sûr. Qui se mange pas, enfin bref. Les vaches qui mangent de l'herbe, normalement, on va leur donner ça. Non, mais en fait, c'est juste... À la base, on avait interdit ça pour des raisons notamment de cannibalisme. Bah aussi, parce qu'il y avait un contexte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Comment est-ce qu'on peut se dire que ça ne va pas modifier le comportement et même la physiologie, potentiellement, des animaux? C'est juste hallucinant de se dire que ça n'aura aucun impact, et sur eux, et sur, du coup, notre alimentation. En vrai, il n'y a rien de positif dans cette histoire, si ce n'est... Remarque, c'est zéro déchet. Tu utilises les animaux jusqu'au bout. On devrait faire pareil avec les humains, comme dans Soleil Vert. Excuse-moi, du coup, c'était... Par exemple, ça fait un moment quand même qu'on fait attention à nos déchets. Le fait qu'on soit hyper sensible à la paille, par exemple, clairement, c'est dû à cette vidéo qui a tourné des millions de fois sur Internet avec la tortue qui se fait retirer la paille du nez, tu vois. Ça a été un électrochoc. Je le savais avant, et après, je me suis dit, ok, c'est pas possible. C'est juste, ça me fait mal, enfin, tu vois, intérieurement. Il y a un truc qui marche pas, quoi. Et ça, c'est pas en voyant des jolies petites pubs de paille en inox en disant « Oh tiens, cette solution existe !» Mais c'est un peu... Enfin, c'est un débat qui peut s'élargir encore. Enfin, c'est-à-dire que là j'ai mis sur ma wishlist de livres à lire un essai sur comment la non-violence favorise l'État. Et le fait que, en étant pacifiste, du coup, enfin, même si fondamentalement je suis d'accord avec l'idée et que j'aimerais que le monde soit hyper pacifiste et que tout le monde soit gentil et tout ça, parce que je suis, oui, fondamentalement non-violent, je pense. Mais j'ai de plus en plus entendu, en effet, le fait que si tu es non-violent, ça fonctionne pas. On en a notamment entendu beaucoup parler avec les Gilets jaunes, mais ça peut s'extrapoler à plein de sujets. On t'entend pas. On m'entend pas. On t'entend pas, ah, si, pardon. Tu si t'es pas violente. En fait, le truc, c'est que ça dérange personne, donc du coup, tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, il y a un truc, si tu pousses pas les gens dans leur retranchement, je parle pas forcément de tuer des gens, hein. Enfin, on est quand même pas, j'en suis pas là, mais tu vois, si tu les déranges pas, si tu déranges pas leurs habitudes, leurs possessions, les trucs et tout, bah, les gens s'en foutent, ils vivent leur vie, ils vont prendre leur métro le matin, ils vont aller bosser, ils vont rentrer le soir, et puis point barre. Non mais c'est sûr, mais ça j'en suis assez persuadé. Ouais. Partir dans un schéma où tu montres que des trucs positifs aux gens fait à la fois qu'à mon sens ils vont pas réagir et à la fois ils vont se dire ok bah vu qu'il y a des gens qui le font, c'est un peu comme dire c'est pas à moi de le faire, c'est à l'État de le faire, c'est pas à moi de le faire, c'est aux grandes entreprises de le faire, parce qu'on nous a dit que les petits gestes individuels c'était de l'eau dans, enfin c'était une goutte d'eau dans l'océan, tu vois. Non, mais moi ce que, avec notre projet documentaire, on a, comme tu l'as dit, des vidéos négatives, des histoires, des articles sur tout ce qui est alarmant, on en a à foison. Mais je trouve que justement, on n'a peut-être pas assez encore, Internet ne regorge pas assez, des initiatives, des solutions, des clés qui permettraient d'enrayer, même si c'est toujours pareil, même si c'est une goutte d'eau dans un océan, mais si tu veux, c'est quand même con de se dire... on n'a qu'une planète et puis on participe à sa destruction, enfin du moins bah, la planète c'est toujours pareil, la planète elle s'en sortira, c'est plus l'humain et les animaux qui nous ont rien fait, et les êtres vivants qui eux ils sont pour rien et on leur fait subir ça, à la limite que l'humanité en prenne un coup, si j'ai envie de dire oui, si elle s'autodétruit c'est un peu tant pis pour sa gueule, hein, j'ai envie de dire voilà, mais du coup, il y a une certaine injustice derrière ça. Donc je me dis, dans tous les cas, comment on peut aller montrer... On peut montrer plein de trucs négatifs, mais qui ne vont pas être forcément choquants. C'est-à-dire qu'on peut montrer, oui, des sacs en plastique qui sont donnés au supermarché à tout bout de champ. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on va montrer, ça peut donner des envies, des idées aux gens. Le truc de la petite ferme autosuffisante, certes, quelqu'un qui vit à Paris, ça va peut-être lui donner du rêve, mais ça pourra pas, il va pas du jour au lendemain quitter forcément son boulot pour aller vivre dans une petite ferme comme ça. Mais par contre, ceux qui sont à la campagne, qui, tu vois, ne savent pas trop comment et voudraient peut-être, mais ne savent pas comment, ils peuvent potentiellement avoir une clé avec ce qu'on peut leur montrer, ce qu'on peut leur dire. Je suis désolée, hein, je reviens sur le fait que je pense que c'est un peu utopiste, mais une des bases de la productivité, pas dans le sens être productif et faire enfin, beaucoup de choses, mais c'est juste passer à l'action. Il faut que tu aies plus que juste une jolie image, en fait. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment donner envie aux gens de passer à l'action, il faut que tu leur fasses des étapes, quoi. Enfin, tu vois, il faut que tu les accompagnes. Oui, mais alors attends, moi je me vois pas comme un rôle d'éducateur. Hein. Moi, je me vois comme un rôle de documentariste, c'est-à-dire documenter des choses qu'on va rencontrer, des solutions qu'on pourrait trouver. Oui, mais bon, bah, du coup, bah, pour moi, ça, les gens vont voir ça, tu vois, comme ils vont voir ça sur... comme ils vont voir plein d'autres vidéos sur leur feed Facebook, ça va rentrer par une oreille, sortir par l'autre, et puis demain, tu vois, c'est fini, quoi. Non, mais je dis pas que j'ai la solution et je sais pas quoi faire, tu vois, pour essayer de... Non, mais c'est... En fait, j'ai commencé à enregistrer peut-être un peu tard, mais c'est intéressant comme débat. Vous qui nous écoutez. Oui, et pour ceux qui ont fait des choses dans un sens positif, qu'est-ce qui vous a fait, en fait, le faire? Plus, en effet, de voir des choses disponibles, ou est-ce que c'est plutôt de voir des choses négatives qui vous a fait... Parce que ça fait quand même, depuis le rapport Meadows, c'est 68, je crois, comme ça, 73. Bref, il y a longtemps. Les années hippies, quoi. On sait que c'est la merde, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en France, il y ait eu deux cas canicules très rapprochées avant le mois d'août. Enfin, je sais pas, moi, alors c'est un raisonnement qui est pas du tout scientifique, mais quand je vois ça d'ici, je me dis c'est quand même bizarre. Bah, c'est pas très sain, ouais. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que chaque année, on dit hop, température record dans telle ville. Mais c'est tous les ans, donc ça veut dire à chaque fois les records sont battus. Et jusqu'à quand, quoi? Là, c'est quand tu vois la fonte des glaces. Si vous voulez bien bien vous déprimer, regardez Vue sur YouTube. Vue France 2, c'est l'ancien zapping de Canal+. C'est 5 minutes d'actualité par jour. C'est rarement des trucs très positifs. Hein. Enfin, que ce soit de la politique française ou que ce soit des catastrophes environnementales en passant par des guerres. Enfin bon, bref, l'actualité, c'est rarement rose. Hein. Enfin, bon bref, vous remarquerez qu'on est... Enfin, surtout moi, je suis dans une phase d'éco-dépression. Elle est en train de m'entraîner dans son tourbillon. Et ce sera de pire en pire. Plus on va voyager, plus on va voir des trucs... On sait qu'on pourrait faire mieux parce que, notamment en France, malgré tout, on fait quand même parfois mieux. Pas surtout, ouais. Mais voilà. Et plus ça va nous rendre dingue, hein. On le savait déjà en partant, mais plus c'est difficile de rester positif, en fait, sur l'avenir de l'humanité. Tu sais que la Turquie fonctionne uniquement en centrale charbon. Non, mais ce qui est drôle, qu'on a discuté avec Egir Aizmir, qui est hyper excité à l'idée qu'il y ait la première centrale nucléaire qui soit... Mais ça, je le comprends. Non, mais parce qu'en fait, quitte à changer de source énergétique, ouais. Essayons de réfléchir à une source énergétique plus verte. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais lu, j'ai jamais vraiment cherché, mais en gros, les points positifs, négatifs de chaque énergie. Alors, si on comparait, on va dire, le nucléaire et le solaire, par exemple, sur entre la production, par exemple, des panneaux solaires, tout ça, l'impact environnemental, et après. Au-delà de l'impact environnemental pur, de l'extraction, potentiellement, de la fabrication et du recyclage, des matériaux qui sont en effet pas toujours très green dans les énergies vertes. Moi je conçois, hein, même si je pense que la seule solution c'est en effet un mélange de plein de sources d'énergie verte. Ça peut pas être que du photovoltaïque, ça peut pas être que de l'éolien, ça peut pas être que de la biomasse, que de l'hydraulique, etc. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi la dangerosité du déchet une fois qu'il existe. C'est-à-dire que le déchet radioactif, s'il est confiné correctement, en effet il est a priori pas dangereux. Mais jusqu'à quand, tu vois, il n'est pas dangereux? Et dans quelle proportion est-ce qu'il n'est pas dangereux s'il y a un tremblement de terre, un machin, un truc, tu vois? Même si Emma te dirait que tout est très très bien fait, que les normes sont respectées, etc. Alors, ce qui est peut-être le cas en France, mais est-ce que c'est le cas partout? Ça, c'est pas aussi sûr. Le panneau photovoltaïque, même s'il ne se recycle pas, je pense qu'il est plus inerte comme déchet qu'un déchet radioactif. Mais ça reste un point de vue non scientifiquement vérifié. Oui, hein. Oui, c'est un instant. Non, mais... Moi aussi, j'aurais tendance à penser ça. C'est juste que, en fait, dans tout le processus, je pense que c'est compliqué. Et puis, c'est toujours pareil, parce que, de toute façon, à mon avis, c'est très difficile d'avoir des informations fiables, parce que, dans les deux cas, tu auras toujours des lobbies. Oui. Tu vois, je pense que tu peux avoir des informations fiables, mais il faut vraiment en chercher, il faut avoir un... raisonnement scientifique, etc., que nous, on ne prendra pas le temps de faire et qu'on ne saura pas forcément faire. Il faut savoir lire des articles en anglais scientifiques, c'est assez compliqué. Souvent, maintenant, il faut payer hein, pour avoir accès à l'information. Après, au-delà du côté environnemental ou pas environnemental de la centrale nucléaire en Turquie, l'autre chose qui est assez dérangeante, c'est que c'est la Russie qui va leur construire leur centrale nucléaire avec un savoir-faire russe qu'ils ne vont pas donner aux Turcs. Donc en fait, c'est juste avoir chez eux une centrale nucléaire potentiellement plus risquée que ce qu'ils avaient en important jusqu'à maintenant de l'électricité d'ailleurs, en ne sachant pas comment la faire fonctionner, donc en ne détenant pas le savoir-faire. Et pour rappel, quand même, la Turquie est... assez sujette au... tremblement de terre. Il me semble, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Oui, bah, notamment dans la région d'Istanbul. Bah, en gros, là où il y a l'Europe et l'Asie qui se... C'est une plaque, hein. Qui se rejoignent. Une plaque eurasienne, je crois. Donc, tout ça pour dire, voilà, si... C'est-à-dire qu'on vient de partir, on n'est déjà pas tout à fait sûr de la direction qu'on veut prendre, quoi. Ah, mais on avait une autre question, c'était si le format... de diffusion de ce genre de choses. Est-ce que vous êtes plus enclin à regarder une vidéo ou écouter un podcast? Qu'est-ce qui vous plaît plus dans le... Oui. Et qu'est-ce qui vous touche plus aussi, au-delà du fait de ça vous plaît, qu'est-ce qui vous touchera plus? C'est ça. Notre destin est entre vos mains. À vous de jouer. Là, on prend le podcast normal, carnet de voyage. Nous sommes donc à Eyardir. Nous sommes le 24 juillet 2019. et nous sommes au bord du lac, d'un grand lac, avec des montagnes autour. C'est très joli. Et j'étais assez surpris quand on est arrivé hier dans le bus de voir pas mal de petites montagnes grattées pour en faire des carrières. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que tu te dis un jour, bah, il n'y aura plus ces petites montagnes. Donc c'était un peu triste à voir. Même si tout le trajet était très très beau. On a vu un désert de sel, je crois. Mais je ne sais pas si c'était un désert de sel ou si c'était une sorte de... Quoi, marée tu vois, une espèce de marée, ouais, je sais pas. Oui, comme à Plovdiv où ils ont détruit. C'était une ville avec 7 collines et il n'y a plus que 6 collines parce que les mecs ont détruit la colline entièrement. Une entreprise privée a eu l'autorisation de la part de la ville d'utiliser une des collines pour récupérer de la pierre, notamment pour faire des constructions, je crois. Et ils devaient toucher qu'une petite partie de la colline. Et en fait, au bout de je ne sais pas combien de temps, peut-être 30 ans, ils ont fait disparaître la colline. On en est là quand même, les gars, en plein milieu de la ville. Voilà. La seule ville aux 7 collines qui n'a que 6 collines. Et on a réussi à trouver hier des œufs pas emballés dans du plastique. Oh, putain. Ouais, c'est un peu dans une des victoire boîtes en carton. En Turquie. Bah, même en Bulgarie, on a galéré. Ah, oui, tout est emballé dans du plastique. De justesse, failli assister à une catastrophe. Un papa avec ses enfants qui ont failli se faire renverser par une bagnole. Mais genre de justesse, quoi. Ah, le mec a fait une embardée dans la... Sur l'autre voie, quoi. Sur l'autre voie, tu sentais qu'il avait... il pouvait pas freiner, quoi. Enfin, il a freiné, mais qu'il pouvait pas aller jusqu'au bout à freiner. Je pense que c'est juste parce que le gars, il pensait que la route était en sens unique, vu qu'ils ont coupé pour des travaux. Je pense qu'il devait être habitué à toujours regarder dans un sens et pas dans l'autre. Et en plus, il faut dire que pendant... Tu marches une heure au bord de la route, tu n'as aucun passage piéton. Sachant qu'il y a un passage pour les piétons, quoi. Donc c'est pas juste tu marches au bord de la route, c'est que là on est sur une voie piétonne qui est faite pour. Tu peux pas traverser la route pendant 50 minutes, quoi, ou une heure, ouais. Non, c'est hyper dangereux. Et les mecs, ils roulent mais toujours comme des bourrins, de toute façon. De toute façon, on s'est fait la réflexion à Selçuk, même au passage piéton, de toute façon les mecs ne s'arrêtent pas. Ouais. Donc c'est-à-dire que si tu fonces pas sous leurs roues, et encore, s'ils peuvent s'arrêter, tu peux pas traverser. Enfin, c'est hallucinant même quand il y a des enfants, des poussettes. On a vu un fauteuil roulant. Enfin, ah tout oui, le monde s'en fout, quoi. Les seules personnes qui nous a laissé passer, c'est un Hollandais, c'est ça? Oui, c'est un Hollandais. Et surtout, le mec a eu de la chance qu'il y ait personne en face quand il allait sur l'autre voie, parce qu'il y a vachement de circulation quand même. Bah, y avait un poids lourd qui arrivait en face. C'était pas un poids lourd, c'était un tracteur. Ah d'accord. Ça va, il allait pas trop. Non, mais je sais pas. J'ai une petite montée d'adrénaline à ce moment-là. Tu sais, c'est tu vois le truc arriver, tu te dis mais là en fait je peux rien faire. C'était. Ouf. Assez... Oui. Ouais, bon. Donc on va pas la prendre à la légère, on va quand même faire hyper attention quand on traverse. Déjà que moi, tu sais, j'ai grandi à Nîmes, donc j'étais habitué à regarder 5 fois à droite, 5 fois à gauche avant de traverser. Bref, là, on est en fin de journée et le soleil commence à se coucher doucement sur les montagnes, en face du lac. Ça commence à être joli. Il y a des gens sur une petite barque. Il y a plein d'oiseaux, plein de petits lézards. Ah, des lézards avec... Ils sont tout petits, ils ont des queues bleues, mais bleues électriques. C'est très joli. Trop mignon. Et l'eau du lac est particulièrement belle. Assez cristalline, je pense, parce que nous, on est sur le bord, mais elle est hyper transparente. Et quand on est arrivé en bus hier, on voyait vraiment ces nuances de bleu, c'était magnifique. Plus joli que la mer, l'eau est plus belle que la mer. Quand 24 est... juillet, on est au restaurant. Un peu la couleur du lac d'Annecy. Et hier dire. T'as pas déjà dit 24 juillet 4 fois depuis le début de juin ? Si, je pense. Mais c'est pour bien que les gens comprennent. C'est très bon ce qu'on est en train de manger. On s'est bien fait comprendre auprès du serveur. On lui a demandé de l'eau pétillante. Ce sont dans des bouteilles en verre. On lui a demandé sans paille. Il avait bien compris. Hein. Sauf qu'il avait oublié au moment de nous servir. Il nous met deux pailles et puis il retire tout de suite pour les jeter. Parce qu'il... J'ai envie de vomir. Bon, par contre, il y a un joli coucher de soleil. C'est magnifique. Ça nous réchauffe un peu le cœur. Il y a du vent, ça nous rapproche corps. Je pense qu'on l'entend, là, le vent, du coup. On a choisi un bon endroit, c'était calme en plus, comparé à avant, où c'est assez animé, assez bruyant. Là, on est quasiment sur la... Bah, on est dans la presqu'île, en fait, ou l'île. Parce qu'on dirait que c'était une île et qui a été jointe à la ville avec une digue. Je vais m'enseigner. Vincent ne peut pas manger du piment. Genre toi, tu veux manger du piment. Alors que Dilek, elle t'a dit que c'était bon pour la santé. 25 juillet 2019, on est toujours à Eyjafjallajökull, et on est devant un nid d'énormes fourmis, mais énormes. On n'a pas des comme ça chez nous. Hein. Puis elles sont rapides. Hier soir, on a pris un petit bus, un dolmus, pour rentrer à l'hôtel. Et alors c'était rigolo parce que c'est un peu comme un taxi, quoi. Il nous dépose devant l'hôtel. On a réussi à se faire comprendre où est-ce qu'on allait. Ouais. Oui, si, si, au final. Plus ou moins, mais heureusement, il y avait un peu des gens qui parlaient anglais pour nous aider. Même s'ils parlaient pas forcément anglais, surtout qu'ils voulaient nous aider, quoi. Tout le monde était gentil, en fait. C'était agréable. C'est très courant, apparemment, les dolmus en Turquie. Ouais, je trouve ça trop chouette, moi, En fait, tu le prends où tu veux. Quand il te passe devant, tu l'arrêtes et puis t'arrêtes à peu près là où tu veux, j'ai l'impression. Voilà, demain on part pour Konya et on va essayer de trouver le bus qui nous amène à Isparta. Il y a des enfants qui jouent, qui sont sur les trottinettes et qui dévalent la roue. Ils ont l'air de s'éclater. Juste sur nous. Si, si, passons par là. J'aime bien que tous les enfants nous regardent de façon très intriguée. Je sais pas si ils voient pas très souvent de touristes peut-être ici. Enfin, en tout cas d'étrangers. Je pense que c'est touristique, mais peut-être plus par des locaux. Là, on est essoufflé parce qu'on grimpe un peu. On va essayer de voir le lac un peu en hauteur. Comme ça, c'est un petit moment qu'on n'avait pas bougé nos fesses. Oui, parce qu'aujourd'hui, tant bien que mal, on a réservé tous nos logements et trajets pour 10 jours. Ouais, c'est pas tellement dans nos habitudes. Mais vu les contraintes des endroits où on allait, on s'est dit que c'était peut-être plus pertinent pour pas se retrouver à la rue, de réserver avant. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu qu'on fasse ce trajet-là, mais on va. Si tu vois le monsieur avec ses chèvres. Il a l'air paisible. Tout le monde a l'air assez paisible. Ah oui, les gens qu'on croise. Les gens sont pas stressés, clairement. Je vais voir un peu de vent, je pense. C'est beau, hein? Ouais. Puis les gens sont gentils. Il y a une dame qui nous a fait comprendre qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Elle nous a dit comment aller là où on voulait. En turc, mais elle nous a fait des signes et du coup, je pense qu'on a réussi à se comprendre. Heureusement que maintenant on sait dire merci en turc. Oui, c'est clair. C'est un peu la base, quoi. Mais on a mis une semaine à l'apprendre, donc. Ouais, c'était pas facile. En même temps, t'es sûr là. Bah, si on avait su ça dès le début. Oui, mais sinon c'était quoi? T'es sûr et dream. Et on s'en souvenait pas, jamais. Et si tu veux dire beaucoup, tu mets. Choc. Choc ou choy. Aïe aïe aïe, ça y est, tu vois. C'est un mot par semaine, quoi, pas plus. Bruit d'une nectarine en train de se faire couper. Tout à l'heure, on a eu un échange étonnant avec un monsieur, quand on se baladait, qui nous a interpellés et qui voulait nous parler de l'appareil photo que j'avais dans les mains. Et on n'a pas très bien compris. Je lui ai montré, et il avait l'air de vouloir voir ce que je lui avais pris en photo. Je lui ai montré. On s'est dit après coup, peut-être qu'il avait peur qu'on prenne en photo... des gens dans la rue, genre sa femme, ses enfants. Bruit de la du noyau de nectarine dans la poubelle. Ou peut-être qu'il voulait que je prenne sa femme et ses enfants en photo, je sais pas, mais bon. Ça, ça avait pas l'air. Oui, il avait pas l'air très enthousiaste en tout cas. Mais bon, je lui ai montré, c'était des photos de paysage, hein. J'ai pas pris à la volée comme ça des photos de gens, d'inconnus, comme ça dans la rue. Chose que je ferais jamais dans la vie. On évite de faire ça, oui, globalement. D'ailleurs, il faut pas le faire en vrai, enfin, prendre en photo des gens sans leur autorisation, c'est mal. On aimerait pas trop, nous. Ouais, et puis c'est... Ça peut être offensant, tu vois, c'est aussi une question de droit à l'image, quoi, finalement. Donc voilà, enfin c'était une. On n'a pas du tout, on s'est pas du tout compris. Il nous a parlé en turc, il a parlé en français, mais un peu en anglais. Mais c'est... On ne saura jamais au final. 26 juillet 2019. J'ai vérifié la date qu'il était, j'étais pas sûre. Ça s'affichait sur mon micro. Ah ok, c'est facile. On vient d'arriver à Ispalta par minibus depuis... Je suis fatiguée. T'as pas beaucoup dormi parce que... Il y a des gens qui ont fait du bruit cette nuit. Hein. Oui. Donc on s'est levé... Bon, pas trop tôt non plus, hein, ça va. On s'est levé à 7h pour partir à 8h. Oui, mais tout le monde sait que nous sommes des grosses marmottes. Ouais, on a besoin de plus que ça. Mais on a pris donc un minibus et si on pensait qu'il allait s'arrêter au niveau de la gare de bus de Isparta. Tu prends un bus, tu t'attends à ce qu'il s'arrête à la gare de bus, non? Et donc à un moment donné, je me suis dit, on pourrait peut-être demander au chauffeur s'il s'arrête à l'autogare. Et ben il m'a dit non, là, faut prendre un taxi. Parce qu'en effet, il n'allait pas du tout dans la direction de l'autogare. Donc on a pris un taxi, ça nous a coûté 3 euros. Bah sinon c'était 27 minutes à pied, sachant que la route c'est quand même une énorme route pas très agréable et que ça nous aurait pas laissé beaucoup de temps pour arriver à la gare avant de prendre l'autre bus et tout, donc on n'était pas extrêmement large si on voulait un peu prendre le temps. Non, et petit déjeuner, on n'avait pas mangé. On n'avait pas mangé, tu t'en rends compte ou pas? Moi j'ai pris un Turk cafési. J'ai pris un latte qui n'est pas du tout local, mais bon, une fois n'est pas coutume. Le touriste. Et puis un simite, hein, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et puis l'autre truc, on sait pas ce que c'est. Une espèce de lasagne. Oui. C'est pas des lasagnes, c'est une. Ça ressemble beaucoup à de la lasagne. Ouais, je sais pas. On connaît pas ce nom, mais c'est très très bon. Enfin, c'est à base de pâte utilisée pour les lasagnes, c'est quasi sûr. Et dedans, après, ils mettent du fromage et des petits épinards, je pense. Je sais pas ce que c'est une petite herbe. Non, je pense que c'est une petite herbe. Hein. Ouais. Des épinards, je vois. En tout cas, c'est très très bon. Et puis, faut dire que je pense qu'à Eyade, on a mangé les meilleurs simites depuis notre arrivée en Turquie. Oh my god, quoi, c'était bon. Non, mais vraiment, c'était incroyable. Ouais. Alors, faut, on parle quand même que c'est que du pain. Hein. Enfin, globalement, c'est du pain. Hein. Le sésame d'Eyade. Oui, ok, non, mais c'est pas non plus. Bah, ça donne du goût, quand même. Hyper complexe, je veux dire, comme aliment. Non, bien sûr. Bah, mais il était parfait, quoi. Il était pas sec, il était bien moelleux, il avait un petit goût de presque de fromage. Il sortait du four. Il était chaud. D'une petite boulangerie à côté de notre quartier. Je pense qu'il a jamais vu de touriste de sa vie. Pas du moins de français, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais c'est hyper local, c'était cool, quoi. C'était ouais. Cet endroit était chouette parce qu'on a. On était vraiment avec les locaux et même s'il y avait des touristes turcs, enfin, ils venaient de pas très loin, je pense. Et des fois, c'est bien aussi de s'habituer aux coutumes, non, aux habitudes locales. Et de se débrouiller avec le pot de mots qu'on a. Et... C'est-à-dire ouais. Rien à part bonjour et merci. Et autogare. Bah, c'est la base. Avec ça, on peut y arriver. Je suis content d'avoir fait ça plutôt qu'un truc tu vois, hyper touristique et avec du monde et tout ça. Là, on a pu se reposer. C'était, malgré tout, c'était quand même. On était entouré de verdure et c'était plutôt calme, même s'il y avait la grande route qui passait pas très loin. Mais... C'était reposant pour voir une grande immensité d'eau et de montagne. C'était agréable. Non, mais je veux dire, après Istanbul et Izmir, c'était... Et puis même... Selçuk. Selçuk en soi, c'était mignon, plutôt calme. Mais c'est vrai qu'après Efes, bon, on a besoin de voir pas grand monde. On fait quand même ça à la place de Pamukkale. Il faut quand même qu'on raconte qu'on a décidé de pas y aller. Oui. Pamukkale qui est, je pense, le site le plus connu en Turquie, à mon avis. Que les gens viennent du monde entier pour pouvoir aller prendre des photos Instagram dessus, qui sont ces espèces de montagnes... pas des montagnes, de... De terrasses calcaires avec de l'eau bleue turquoise. C'est vrai que les photos sont assez magnifiques. Mais on sait que c'est un site très très très touristique qui est plutôt petit quand même et qui accueille, je crois que c'est plus de 1000 visiteurs par jour ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment, c'est énorme. Et après avoir lu quelques articles sur la question de... notamment de blogueurs français qui disaient « Ok, c'est magnifique, mais attention, l'envers du décor, c'est que des gens qui se prennent en photo en maillot de bain pour Instagram, pour plus profiter du lieu, du coup, tellement il y a de monde, etc. » Et en plus, tu peux pas aller sur les terrasses parce que du coup, ils les ferment pour éviter que ça s'abîme, donc ce qui est plutôt chouette en soi, mais du coup, c'est devenu un truc qui est plus tout à fait naturel parce que c'est vachement maintenant, ce truc comme ça. En fait, on s'est dit que même si c'était sûrement très joli à voir, on allait potentiellement avoir plus de sentiments négatifs que sentiments positifs en étant dans ce lieu. Qu'on se satisferait de regarder des photos Instagram de gens qui avaient fait des jolies photos. Qu'on préférait aller voir un peu autre chose. On va quand même faire la Cappadoce, qui est quand même très touristique, mais... Qui est plus grande. Ouais, ça, beaucoup plus grande, et où tu peux apparemment t'éloigner quand même du monde en marchant et en prenant pas des bus touristiques qui vont t'amener au point... hyper connu, alors que à Pamukkale, bah tu peux pas vraiment faire ça parce que c'est un petit site payant en plus. Bah, c'est ça aussi, c'est que c'est un peu comme Efes, du coup c'est des endroits où tu payes, donc tu as des horaires fixes où tu peux pas arriver plus tôt ou aller plus tard si tu veux éviter un peu l'affluence. Il y a énormément de monde. Bon, bref, après Efes, je me suis dit que sûrement je le sentirais pas trop de faire ça. Donc, du coup voilà. On a pris le bus de Isparta pour aller à Konya et devinez où est-ce qu'on arrive ? À Eğirdir. Voilà. La meuf, quand on a pris les billets, nous a dit qu'il passait pas à Eğirdir et apparemment, ben si. Donc on s'est levé à 7h pour rien. On est content. Attends, on sait pas encore s'il va s'arrêter à Eğirdir. Mais même s'il s'arrête pas, il y passe, donc c'est qu'a priori il pouvait s'arrêter. C'est très bien, surtout que. À l'aller, quand on est allé à Eğirdir, il s'est arrêté à Eğirdir. Oui, il s'est arrêté. Et quand j'ai vu sur internet le trajet, a priori, il y passait, quoi. Mais il voulait pas nous le vendre, le ticket. Voilà. Donc... On a fait un petit aller-retour sympa. Petite empreinte carbone qui en prend un petit coup. Pas grand-chose. Au moins, on revoit le lac, c'est déjà pas mal. Il y a énormément de... Il y a une énorme base militaire, je pense qu'il y a encore des gens qui font des exercices là. Egin nous dit qu'il y avait énormément de militaires en Turquie. De bases et de militaires. Et on croisait souvent des gens avec des fusils. Il est presque 18h dans la rue. Et on est encore dans le bus. Enfin, on vient de remonter dans le bus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il s'est passé qu'on est arrivé à Konya. En bus donc. Qu'on a pris le tram pour aller en centre-ville. Il faut savoir que la gare routière est très très loin de la gare de train. Oui, et pas accessible en transport surtout. Donc il y a le tram qui va jusque à peu près au centre. Mais ensuite il faut... Enfin si, en vrai il y avait des bus je pense, mais c'est juste qu'il n'y a pas de plan, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas d'internet et que c'est un peu du coup compliqué de trouver un bus qui va au bon endroit. On a pris le tram pour aller au centre. On a trouvé un petit guichet qui vendait des billets de train pour demain, parce que demain elle était censée aller à Ankara à 6h du matin. Comme elle voulait pas prendre notre passe Interrail, parce qu'en fait c'était pas vraiment un truc officiel du train, on s'est dit bon bah non, on va aller directement à la gare. Donc on a marché 30 minutes, un truc comme ça, pour arriver à la gare. Et là Vincent, il y a une illumination. Il s'est dit peut-être que ce serait mieux d'aller à Ankara ce soir et pas demain matin. Ce qui n'est pas complètement stupide en soi, puisque Ça nous a eu de nous lever à 4h du mat, sachant qu'aujourd'hui on n'aurait pas visité grand chose de Cognac, parce qu'il était déjà genre 15h. On n'avait pas mangé. On n'a toujours pas mangé, on était toujours pas à notre hôtel. Bon, bref. Sauf qu'il n'y avait plus de train ce soir. Donc on a hésité. Le pauvre monsieur du guichet, on lui a fait faire le début de la réservation du train pour demain, puis en fait non, puis en fait oui, mais en fait non. Enfin bon, bref, je pense qu'il a dû nous détester. Et du coup, on s'est décidé à retourner à la gare de bus, quoi, pour aller prendre un bus. Ah, donc on va arriver ce soir à Ankara, à 22h. Demain matin, on aura à se lever un peu moins tôt. Exactement. Mais bon, on est arrivé à la gare de bus. On voulait prendre celui qui partait genre dans 2 minutes d'une des compagnies. On y va, on lui demande, la fille elle nous dit « Ah bah non, le prochain il est dans 1 heure. » Dans 2 heures même. Hein. Fait bon, ok, non, on va prendre une autre compagnie. On venait d'acheter nos billets, qu'elle nous fait signe dans toute la gare pour nous dire « Venez, venez, venez et tout !» En gros, vous pouvez monter ensuite 17h35. Trop tard. Bon, on n'aurait pas gagné grand-chose en termes de temps pour arriver. Mais au moins, on aurait une prise électrique dans le bus, parce qu'il n'y a pas de prise électrique. Ça paraît con, mais... C'est pratique. Surtout quand on a 4 heures de bus. Et qu'on a... enfin, je vous rappelle quand même qu'on est levé depuis 7 heures du matin et qu'on a fait que des trajets en bus. Inutile. Histoire de encore bien polluer la planète. Parce qu'on aurait pu partir quand même directement des Gardères pour aller à Ankara. Et là, on a fait un énorme détour. Plus du tram, de la marche à pied, du minibus, du taxi, enfin bon. La totale, quoi. Ça fait la totale. On va arriver à 22h et au final, on aura été dans les transports depuis 8h du matin. Ouais. Donc top. Enfin, si on a fait une petite pause d'une demi-heure pour manger. Le temps de réserver notre hôtel. Et... heureusement, on pouvait annuler notre hôtel de Cognac gratuitement. Ah oui, parce que si on n'avait pas d'internet, bien sûr, on va à un restaurant. Parfois, quand les choses sont pas alignées, elles sont pas alignées. Même si c'est pas grave du tout. Mais on va au restaurant, on lui demande s'il y a du wifi. Il nous dit oui, du coup on rentre dans celui-ci. Et on veut se connecter, en fait le wifi ne fonctionne pas. Du coup, le serveur hyper gentil nous a filé nous a donné accès à son internet de son téléphone. Sauf qu'avec ça, je pouvais pas me connecter au VPN qui me permettait d'accéder à Booking pour réserver l'hôtel. Enfin bon, bref, c'est des petits grains de sable dans le rouage qui font que je serais contente de dormir ce soir. Et surtout qu'on n'a rien vu de rien. Enfin, si le paysage en bus était hyper beau. Très très beau paysage. Franchement, la route entre Eyardir et Cognac, c'est vraiment très beau. Et c'est très particulier parce que ça fait à la fois presque désertique. Et en même temps, t'as plein de sapins. C'est très très curieux comme végétation. Et puis, on a contourné entièrement le lac d'Eyardir, quasiment. Et ouais. On en a vu un autre ensuite. Ouais, on a longé un autre lac. Et c'est vrai qu'on l'a contourné pas mal. Celui d'Eyardir est magnifique. Hein. Toute la route au bord du lac, c'est au moins ça. C'est juste que c'était pas ma journée. C'est vrai que c'est... Non, mais rien de grave. On sera très content demain matin. Mais... Et on sera très content de ne pas se lever à 4h du matin pour prendre le train. Donc au final, c'est pas très grave. Mais donc sachez quand même que le bus met plus de temps et est plus cher. Oui, parce que même le TGV plein pot, il est vraiment pas cher. Ouais, c'était 62 Turkish Lira. Donc 9€, 8,50€. Et là, on a payé 100 Turkish Lira, donc 15€. Bon, ce qui n'est pas beaucoup, hein, à deux quand même. Oui, oui, tout est relatif. Mais on met 4 heures au lieu de 1h47. Ouais, et on n'est pas en train. Ça aurait été cool d'avoir un TGV quand même ce soir pour Ankara. Donc ils sont bookés en fait les TGV. Il en restait 2 qui devaient partir après nous. Enfin, ouais. Une fois qu'on était à la gare. Et les 2 étaient pleins. Mais ça, on nous avait prévenu que prendre un train au dernier moment, dans surtout des grandes lignes et notamment des TGV, enfin les YHT. Oui, c'est ça. C'est risqué parce que bah, du coup, c'est très vite surbooké. Et même là, on a pris une semaine à l'avance un train de nuit. Ouais. Il était presque plein, quoi. Il restait 2 places. Bah, même le train de jour pour faire Ankara-Kayseri, il restait que des places dans les compartiments couchettes. Donc on a dû prendre une couchette alors qu'on est en jour, mais bon, on peut s'asseoir, c'est pas obligatoire en couchette, mais en tout cas dans un compartiment fermé. Et il n'en restait que 4 pour du coup mardi. Pardon, il y a quelqu'un qui a décidé de. Froisser un sac plastique pendant longtemps. Ouais. Voilà. Oh là là, on savait qu'il fallait pas se mettre à l'arrière du bus, c'était mauvais plan. Oui, mais on n'avait peut-être pas trop le choix. Non, on n'avait pas le choix. Ils n'ont pas proposé. Mais je sens que ça va être long. C'est l'aventure. Déjà les coups de siège. Oh là là là là là là, je vais mourir. On en reparle demain, mais je pense que je vais décéder aujourd'hui. Toujours le 26 juillet 2019, il est 22h20, ça y est. On est enfin arrivé. À Ankara. High five de réussite. Quoi. De contentement. De contentieux. Est-ce que la première partie du voyage avec cet enfant qui était accroché à ton siège et qui était accroché à ton siège? Oui, il était accroché à mon siège. C'était agréable? C'était très très agréable. Je me croyais à Walt Disney, mais en moins fun. Et la moitié du voyage, on a fait un arrêt et puis il est parti avec sa maman. Voilà. Donc c'était mieux. J'ai pu dormir. Il était content. Et le car a mis moins de temps que prévu, ce qui nous a permis d'arriver plus tôt que prévu. Et on pensait galérer pour arriver jusqu'à l'hostel, mais c'était direct. Quoi. Donc ne pas toujours faire confiance à Google Maps, hein, quand même, qui nous disait qu'il fallait qu'on prenne un bus plus un autre bus ou un bus plus un métro et marcher pendant genre 20 minutes. En gros, une heure de trajet, alors que là, on a mis 20 minutes. Voilà. Et que l'arrêt de métro était à la station de bus, quoi, et nous a déposé à 3 minutes à pied de là où on habite. Donc, bref. On a repéré un endroit où prendre un bon petit déjeuner, un bon petit thé turc. Oh, déjà, là, on a fait donc 3 minutes à pied. Il y avait 3 ou 4 petits cafés qui avaient l'air trop mignons, trop bons et tout ça. De toute façon, comme j'ai dit, on est en Turquie. Donc, il y a forcément de la bouffe quelque part. Et du café et du thé. Donc, pour nous, c'est parfait. Je vous ai pas dit ce matin, parce qu'on a oublié de le préciser, que j'ai bu sûrement le meilleur latte de ma vie. Tu l'as pas dit? Je crois pas l'avoir dit. Je te l'ai dit à toi, mais je crois pas l'avoir dit au reste de l'univers. Bah, écoute. Quand même, dans un truc qui payait pourtant pas forcément de mine, quoi. Enfin, tu vois. Mais elle a bien compris ce que c'était qu'un latte. Il avait une proportion de lait café absolument parfaite et un petit goût de noisette qui n'était pas un arôme sucré rajouté. C'était vraiment. J'ai encore les papilles qui salivent. Puis voilà, bah, du coup, là, on va se détendre un peu. Et demain matin, on va se lever. Direction. Güneşköy. C'est très compliqué à écrire. Notre clavier français comprend pas très très bien où est-ce qu'il faut mettre des cédilles et des accents et des trémas et des machins et trucs. Eh ben on vous dira de toute façon dans la suite. Hein. On va documenter, je pense, pas mal ce week-end en podcast. Et puis voilà. Vincent a très très hâte. Ouais, moi je suis assez intrigué par ça. Et puis on va en faire une petite vidéo aussi comme c'est prévu, parce qu'on est censé faire des petites vidéos documentaires. Donc, que vous n'avez pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Donc on a pas mal réfléchi d'ailleurs à comment on allait un peu mieux structurer notre projet, l'équilibre entre chaque média, parce que finalement, d'habitude, on pourrait se dire, bon, on choisit la photo, la vidéo, et puis le texte pour le site, mais bien sûr, on a aussi un micro avec lequel on fait beaucoup mumuse. On aime bien parler dans le micro. Et a priori, ça plaît un petit peu aux gens, donc ça nous a motivés à continuer, à partager encore plus, et à le sortir dès qu'on a envie d'exprimer quelque chose. C'est pour ça que c'est de plus en plus long. Habituez-vous. Ça va, ça fluctue en fait. Ça fluctue selon les semaines. Ouais. Si on fait rien, on va pas raconter qu'on fait rien. Ah si, on le dit. On dit qu'on mais fait rien, bon. Mais ça prend pas beaucoup de temps à dire du coup. Puis là, on est dans un hostel, que leur sont petits. Oui. Le Dips Hostel. On a une chambre pour nous, qu'on a payé vraiment pas cher, 16 euros. Oui, de tout notre périple pour l'instant, c'est parmi les chambres les moins chères qu'on a eues. On pourrait avoir encore moins cher, mais... Bah, en fait, non. Hein. Non, mais si on faisait du couchsurfing, par exemple. On n'est pas encore... On n'est pas encore prêt à... Rentrer dans l'intimité des gens. On l'a fait déjà à Izmir, du coup. C'est pas pareil, parce qu'on avait rencontré... Voilà, non, mais du coup, c'était déjà une première étape vers l'entrée, tu vois, chez les gens. Je suis d'accord. C'était une parfaite étape, parce qu'ils étaient adorables et tout, mais je sais pas si j'ai envie de faire ça tous les soirs, tous les jours. Non, je suis d'accord. Non, mais ça demande beaucoup d'investissement. À Izmir, on se sentait particulièrement bien. Il n'y a aucun moment où je me sentais gêné. Mais j'ai du mal à vraiment aller chez des inconnus et rentrer dans leur intimité, en fait. Même s'ils le veulent bien. Hein, Oui, bah, c'est le but du jeu, mais je ne suis pas encore hyper à l'aise avec cette idée. Vous vous doutez bien que moi non plus. Autant, moi, mon intimité, si tu veux, je m'en fous. Mais c'est bizarre. Mais peut-être ça va se débloquer à un moment donné. C'est que le début. Exactement. Pour l'instant, ce rythme de hôtel, nous convient bien. Oui, ça nous permet quand même de rencontrer des gens. de l'eau. Au final, c'est pas en hostel qu'on rencontre le plus de gens. Enfin, si, en fait, c'est là où on rencontre le plus d'étrangers, je pense. Donc, si tu voyages seul ou pas en couple et tout, ou ça dépend ce que tu fais comme type de voyage, mais potentiellement, ça peut être intéressant d'être en hostel. Mais en revanche, c'est pas là que tu rencontres des locaux. On a fait plus connaissance avec des gens quand on était en hôtel ou en pension ou en... Enfin, quel que soit le nom que tu utilises. Parce que du coup, les gens qui tiennent ça, comme on était dans des trucs plutôt familiaux, ben, ils ont plus enclin à te parler, etc. Donc, tout à fait, oui, oui. Alors que là, c'est vrai que, ben, au final, personne n'est turc quasiment, puis, j'ai l'impression. C'est con, mais si t'as un endroit que t'aimes bien, genre, tu vois, si tu restes 3-4 jours à un endroit, puis t'as trouvé, tu vois, tous les jours pendant ton petit déjeuner au même endroit, au fur et à mesure, les gens, tu vois, ils te connaissent. Si c'est bon, bien sûr, si tu reviens parce que t'as aimé, ils te posent des questions. Ben, voilà. C'est un peu ce qui s'était passé à Selçuk, d'ailleurs, qu'au restaurant, fait, on voilà. est allé, et tous les soirs, on a dîné 3 soirs. Et bah, les 3 soirs bah, j'aime bien cette formule. Si un endroit nous plaît, c'est d'y retourner. Puis en plus, les gens sont sympas. Tu vois, tu sais que tu peux commencer un petit peu à papoter. Et tout ça. Ouais, puis c'est con, mais ça fait une espèce de petite routine aussi qui parfois tu vois, fait du bien aussi de. Pas d'avoir ses habitudes, mais tu vois, de. Oui, peut-être ça... pas tout le temps en train de chercher ouais. et en tâtonnant, tu vois. Parce qu'on est beaucoup en mouvement, finalement. Je suis d'accord avec ça. C'est un truc qu'on n'a plus en étant... Oui, t'as plus trop de repères à part nomade, nous deux, quoi. Ouais. Et nos affaires. Donc ça permet de recréer un petit peu de stabilité. Trust us.